D'après le journal d'internet sud-coréen Minplos, le Conseil de mesures pour le problème des volontaires de la Corée du Sud a publié le 23 février une déclaration contre l'exigence du ministère des Affaires étrangères sur la démolition de la statue de Fillette. La déclaration note, entre autres, « Sous prétexte de la coutume internationale, le ministère des Affaires étrangères a envoyé le dossier officiel demandant la démolition de la statue de Fillette établie devant le consulat général japonais à Busan. Le pays qui se conduit contrairement à la coutume internationale est le Japon qui demande la démolition de la statue en question sans présenter jusqu'à aujourd'hui ni regret ni responsabilité des crimes d'esclavage sexuel du passé. Mais au lieu de s'efforcer activement pour le recouvrement des droits de l'homme de sa population, le ministère des Affaires étrangères exige la démolition de la statue suivant l'ordre du gouvernement japonais, ce qui est la violation de la coutume internationale.